بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سندخل إن شاء الله اليوم في الحديث الثامن السيارة طوام بالتتل التاسع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام فحسابهم على الله. متفق عليه. سلوى بن عمر فسد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent de la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adorer en dehors d'Allah, et que Mohammed est le message d'Allah. Qu'ils accomplissent la salat, qu'ils s'acquittent de la zakah, et s'ils font cela, ils seront préservés de moi dans leur vie ainsi que leurs biens, hormis dans les droits de l'islam, et leur compte revient à Allah. Et leur compte revient à Allah. Naam. في قوله أمرت أي ما يتعدني les ordres sur le Nabi صلى الله عليه وسلم sont les ordres d'Allah عز وجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا c'est-à-dire que c'est Allah عز وجل qui lui a ordonné de faire telle chose et si les sahabas disent أمرنا بكذا c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui leur a ordonné de faire telle chose وهكذا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Umirtu, les ordres d'Allah pour lui sont à la base valables pour sa umma, sa communauté. Tant qu'on n'a pas un dalil qui montre que cela n'est propre qu'à lui. Donc là, il lui a été ordonné de combattre les gens, c'est-à-dire lui, et les musulmans à la base. Qu'eux aussi ils agissent de la sorte. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths, Yakum maqam al-hakim. C'est le gouverneur à ce moment-là. Donc ce que lui fait à ce moment-là, c'est le travail que le gouverneur doit faire également, à la base. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam retransmet ce que Allah azza wa jalla lui a ordonné. Comme قال تعالى يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بل ينزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Il a dit Allah azza wa jalla dans le sens ô prophète, ô messager, j'ai d'autres versets. Retransmet ce qui t'est descendu de ton Seigneur. Et si tu n'as mais tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ton travail. Et Allah te préserve des gens. Allah te préserve des gens, te protège des gens. Wa fi qawlihi an uqatil an-nas, que je combatte les gens. Là, le mot nas, il est général. Le maqsoul, c'est le kuffar. C'est-à-dire que je combatte les mécréants. Combattre les mécréants. Et cela expliqué par quelle preuve que c'est les mécréants qui sont voulus par là ? La suite du hadith. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Qu'ils attestent de la ilaha illallah. Donc le musulman, il a déjà testé cela. Donc il n'est pas combattu. À la base. Pour cela. C'est-à-dire de combattre les koufars jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam. لأن الإسلام هو دين الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة إلى من الخاسرين. الإسلام هو الوحيدة التي يقبلها الله عز وجل لغري. وسلوكي في نوتر ريليجون يسوغا في الأدلة دينون دي بيردون كما ذكر الشيخ نفسه. Donc c'est pour la maslaha des gens, pour leur intérêt qu'ils sont combattus en cela. Et le but de ce combat, c'est أن تكون كلمة الله هي العليا, que la parole d'Allah soit la plus haute. D'accord, soit la plus haute. Donc ils sont combattus pour attester de cela, rentrer en islam. نعم. وقد يقول قائل يعني كيف الجمع بين هذا الحديث وقل عز وجل لا يكره في الدين. Quelqu'un pourrait se demander c'est quoi le lien entre ce hadith qui dit qu'il faut combattre les gens pour les faire rentrer en islam et la parole d'Allah dans ce dit nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Hada, awalan, l'imam Shankiti, par rapport à ça, il sort deux explications. Il dit la première, c'est que le verset est là, Ikra fi din. Il est spécifique aux gens du livre. يعني أن إذا أعطوا الجزية تمام رفع عنهم القتال والسيف. Si jamais les gens du livre donnent la jizya, l'impôt légal, ils ne sont pas combattus. Donc là, إكراه في الدين, c'est-à-dire pour eux. Les autres, c'est toujours valable. هذا قول. Ça, c'est une parole. والقول الثاني, c'est que le verset la إكراه في الدين l'était abrogé par les autres versets du combat. D'accord ? Par les autres versets du combat. Et كذلك معنى قول الله عز وجل لا يكره في الدين. Il n'y a pas vraiment de contradiction avec le hadith, car il dit qu'en fait que tu n'entres pas en islam de malgré. C'est-à-dire, si tu ne veux pas rentrer en islam, rentre pas dedans. Mais s'il y a un combat, tu seras combattu. C'est-à-dire, choisis l'islam. Et tu entres en islam, mahabbatan lah, par amour pour l'islam. Tu as compris les mahasim de l'islam. Tu as compris que l'islam, c'est la maslaha pour l'humanité, pour toi déjà en premier lieu, et pour le reste des gens. D'accord ? Pour le reste des gens. Donc, quelqu'un qui entre en islam par contrainte, son islam, il est baratil. Ça deviendra quoi ? Un munafiq. Il va faire apparaître l'islam en apparent. La kifida khili, il obtient le kufr. Donc lui, nous, cette dunya, nous amilouhum wa amalat al muslimin, lakin fil akhira, le kufar. Bel, fil dark al-asfar min nar. Donc c'est ça que ça veut dire. Celui qui rentre en islam de malgré et qui n'y croit pas ni rien, ça ne lui servira rien du tout. Juste dans cette dunya, peut-être qu'il sera épargné de la main des musulmans, mais yom al-qiyama, il aura le pire des châtiments. Il sera au degré le plus bas du feu, car les munafiqoun sont pires que les kuffars. Donc le verset veut dire que tu rentres en islam de plein gré. L'inna kama ta'alamoun, atal kuffar yakouloun, il n'y a pas de paix sans guerre. Pour avoir une paix, il faut forcément combattre les contestataires. On ne sera jamais tous unanimes sur un call. Donc, il faut Al-Zam. Mais comment Al-Zam ? Ceux qui sont avec toi, ils suivent. Et ceux qui sont contre cette chose-là, qui est à la base un bien pour tout le monde, il faut les éradiquer. Conseiller, appeler, ils n'acceptent pas, tu les combats. Et les kuffars, ils marchent là-dessus. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, ils marchent là-dessus. Tous. Ils imposent leurs lois. Qui sont fausses, elles, démocratie ou quoi, t'acceptes pas, on va te combattre. Même si c'est pas zahir devant tout le monde, on va le faire des coups bas pour que tu acceptes notre régime à nous. C'est ce qu'ils font actuellement. Quand ils débarquent dans tous les pays qui sont pas dans sous leur gouverne, ils font ça. Soit ils combattent, ils envoient leurs troupes, ils trouvent des manières d'envoyer leurs troupes pour une multiple raison, comme ici au Yémen avec les Houthis ou en Syrie, tout ça, ils trouvent une façon de rentrer, tu vois. Après, quand ils sont rentrés, ils font le façade. Ou alors, ils font des embargos, ils mettent des pressions, ils font des trucs par rapport aux accords commerciaux, tout ça. Trouve une façon de mettre la pression à l'État, à qui veulent imposer leur régime. Et malheureusement, la plupart, ils ont capitulé. Ouakada. Par exemple, tu ne verras pas de guerre entre la France et l'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur le même régime, ils sont d'accord. Par contre, tu verras la France s'en prendre un autre pays, comme les pays d'Asie ou les pays d'Afrique, et l'Amérique pareil. Et tous les autres pays sont tous d'accord. Donc ils n'ont pas besoin de se combattre. Bien qu'ils soient. Ils ne sont pas unis en réalité dans leur cœur. Fala wa shahid. Aliyazakallahu ta'ala. Walla wa dafullah inna sa ba'dum bi ba'din. La fasalatil ard wa lakin Allah zufadlin ala al-alamin. Ce n'est pas Allah qui avait poussé que les gens. C'est-à-dire repousser les gens par d'autres personnes. Les gens du mal sont repoussés par d'autres personnes. La terre entière a été corrompue. C'est-à-dire Allah, il a fait parmi les causes qu'il a mis pour empêcher le façade sur terre, c'est qu'il a mis des gens qui font face aux façades. Pour empêcher d'autres de faire leur façade. D'accord ? Donc ça, c'est une chose qui est inévitable. Et pourtant, malgré cela, yakullah azawajal, la ikraha fi din. Enfin, yakul, kutiba alaykum al-qital, wa kuruhunakum. Wa asa an takrahu shay'an wa khayrunakum. Wa asa an tuhibu shay'an wa sharrunakum. Wallahu ya'lam wa anta ta'lam. Car les gens vont te dire, même parmi les muslims, moi je ne veux pas combattre, et kaza et kaza. Allah, donc, sans vous le dire que le combat vous a été prescrit alors que vous êtes détestable. N'aimez pas cela, aller combattre, s'exposer à mourir, à se faire blesser grièvement, la fatigue, tout ce qu'il y a, qui vient dans les guerres. Au fond, il n'y a personne qui aime la guerre. Ça, c'est une chose qui est. Personne n'aime faire la guerre. Et quand il faut la faire, il faut la faire. Mais quand il faut la faire en islam, il faut la faire bien. Tu vois, il faut la faire bien. Et quand tu la fais bien, en fait, tu vas aimer le résultat qui va en découdre. La chose en elle-même, quand on est, ça va être détestable. Dans le sens que pour toi, c'est, on va dire, c'est pesant. Mais comme tu as des articèdes, et tu sais pourquoi tu le fais, alors tu aimes ça d'une façon du fait que tu en es. Tu sais ce que tu fais là, c'est bien. Tu sais que tu es en train de faire un bien. Tu vois. Tu sais que tu es en train de faire un bien. Donc c'est ça, lorsque le muslim dit qu'il aime le jihad, c'est qu'il aime, comme qu'on l'a ta'ala, faqatiluhum hatta la takunna fitnah, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Combattez-les. Qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire de shirk. Et que la religion soit entièrement pour Allah Azzawajal. Donc les muslims n'aiment pas le shirk. Donc il va le combattre. Soit il va le faire par la nasiha. Soit il va le faire par l'écrit. Inkar al-munkar. Et la dernière étape, c'est par la main. En combattant. Et s'il doit y arriver à ce stade-là, il va le faire. Il le fera. Et il sera content de le faire. Bien qu'au fond de lui, le combat en lui-même est une chose qui ne plaît pas à l'homme. S'il peut éviter de le faire, c'est pour ça quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a combattu les kuffars, il a toujours dit en premier lieu, comme quand Ali Mu'adh ibn Jabal, ou li Ali, Mu'adh, Ali kazalik, les deux en fait. Mais le hadith de Mu'adh, qala, innaka takdumala kum min ahl kitab, fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi. Tu vas aller vers un peuple qui sont des gens du livre. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est les appeler à unifier Allah Azza wa Jal. Donc en premier, tu les appelles. C'est pas tu viens et t'attaques. Non. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils acceptent l'islam. Ils acceptent l'islam. Alhamdulillah. Ni'amah. S'ils acceptent l'islam sans qu'il n'y ait eu de combat, qu'il n'y ait eu de sang coulé ou de bien détruit au Rel Zalika. Après, il a dit, après, tu leur informes, s'ils obéissent, ils attestent de l'islam, informe-leur que Allah Azza wa Jal leur a imposé 5 salawat de nour, de jour et de nuit. S'ils acceptent, dis-leur que Allah leur a imposé une aumône qui est prise de biens de leurs riches, qui est redonnée à leurs pauvres. Et dans d'autres hadiths, qui sont eux, par la version de Ali, s'ils n'acceptent pas, fasta'in billah wa qatilhum. Ils n'acceptent pas, cherche de l'aide auprès d'Allah et combat-les. Donc, parmi les shurud du jihad, jihad talab, qui est celui d'avancer et de conquérir, tu appelles les gens à l'islam en premier lieu. Tu leur exposes c'est quoi l'islam, son meilleur jour. Le haqil, il l'accepte. Tu vois. Tu lui dis, si jamais tu n'acceptes pas l'islam, déjà un, tu auras affaire aux musulmans, à des mouahidines. Et ça, c'est une chose que ne veut pas que ça t'arrive, en premier lieu. Et deuxième chose, tu auras, comme il avait dit à Hiracle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu auras aussi la double récompense de toi et de ton peuple qui auront suivi l'islam. Mais en contrefaçon, en contrepartie, si jamais tu refuses, tu auras le double péché. Le tien et celui de ton peuple qui t'auront suivi dans le kufr. On est à la défaite, puis dunya, on fait l'akhira. Mais généralement, l'Anbiya, ils envoyaient des messagers aux ruqala, aux gens qui étaient réfléchis, pas n'importe qui. Fahada wa shaykh min al-hadith, d'accord, c'est de que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a été ordonné de combattre les gens. Chose qu'il a faite, et après on a vu les frontières s'ouvrir au fur et à mesure. Et qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté qu'un bien. Ça n'apportait qu'un bien à la terre. Les musulmans étaient en avancée, des pays qui ont été même conquis sans combat, par les bons comportements, ils ont vu les valeurs de l'islam. Les pays qui sont aujourd'hui christianisés, comment ils ont été christianisés? Par les croisades, par les guerres. Sauf qu'eux, ils n'avaient pas, eux, c'était comme on dirait sans foi ni loi. Les musulmans, ils ont des arcanes dans le djihad. Tu peux pas les femmes, tu peux pas les enfants, et tu peux pas les hommes dits de religion. On voit ce qu'on veut dire, comme les prêtres ou les rabbins. S'ils restent dans leur lieu d'adoration, tu ne les tues pas. Il y a plein de choses que tu ne fais pas. Il y a des règles. Eux, c'est pillage, c'est incendie, c'est mutilage, ou mutilation, plutôt mutilage, comme on dit, meurtre, viol de femme, et je ne sais quoi. Et même en islam, les prisonniers, Barzah Alika, prisonniers, ils deviennent abd. Leurs femmes deviennent halal pour les musulmans, leurs biens également, et leurs enfants et leurs femmes sont pris et sont des abid. Et les prisonniers, les hommes aussi, qui n'ont pas été tués, ils sont rendus comme étant des esclaves. L'esclave en islam, c'est pas l'esclave qu'on a pris comme la tribu des noirs chez les koufars. Il a des droits en islam. Il est nourri, il est logé, et qu'il ne peut, on ne peut lui faire endosser que ce qu'il peut supporter comme travail. Pas plus. Et si jamais yaslim lillahi azawajel, yurtaq. Ala yustahab lahu. Si jamais il se soumet à Allah azawajel, ce qui est recommandé à son maître, c'est qu'il le libère. Voire même, dit un hadith, Abi Moussa, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salaf lahum ajran. Il y a trois hommes qui ont deux récompenses. Qal, Rajulun min al-Kitab, Amana bi Nabihi, wa Amana bi. Un homme parmi les gens du livre qui a cru en son prophète, et lorsqu'il a entendu parler de moi, il a cru en moi. Lui, il a deux ajran. Thani, Qal, Abdun, en même, Abdun, Mamloukun, Yuaddi Hak Allah, ou Hak Mawlah, un esclave, là, il n'est pas un musulman, qui rend le droit d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire son adoration, c'est son obligation, et qui rend le droit à son maître. Il a deux récompenses. Wa Thalith, Rajulun, Lahu Amah, Fa Allama Fa Ahsana Ta'limaha, Wa Rabbaha Fa Ahsana Tarbiyataha, Thumma A'taqaha, Thumma Tazawajaha. Il avait une femme esclave, il lui a appris correctement, il l'a éduqué correctement, puis il a libéré, il s'est marié avec elle. Il a deux récompenses. Est-ce qu'il faisait ça, je les traite des noirs ? Abadan. Abadan. Pour dire que, et là, il y a des droits des esclaves en islam, il y en a plein. Là, c'est même plus pour montrer le shahid par rapport au hadith pour le fait de combattre, par rapport à ça. طيب ثم ضل الحديث الى دي ويؤتوا الزكاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه qui font la salat et qui s'acquittent de la zakat, ce qui prouve que celui qui fait pas la salat il est combattu. D'accord, c'est le deuxième pilier de l'islam, et comme vous le savez, il y a un khilaf par rapport à le fait est-ce que c'est un kafir ou pas. Pour le coup, صحيح الراجح انه كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما جاء في حديث مسلم عن جابر que entre le serviteur et le kufr il y a l'abandon de la salat et plein d'autres hadith. Donc à la base, même ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, ils voient qu'on combat là-dessus, il n'y a pas de khilaf. Ou il est rendu, il est emprisonné, ils vont même l'exécuter. Après, il y a un khilaf, est-ce qu'il est exécuté comme étant un apostat ou comme étant un had, comme par exemple ce qui a fait zina ou quoi. C'est là qu'il y a un khilaf. Mais tous disent qu'il est emprisonné, et si même en prison il refuse de faire la salat, il est exécuté. Ainsi, je ne connais pas qu'il y ait de khilaf entre les ulama par rapport à ça. Et la zakat kazadi, comme ça arrive avec Abou Bakr Siddiq, lorsque les gens, après la mort du Nabi, n'ont pas voulu payer la zakat, parmi les arabes, il les a combattus. Il a dit, wallah, je vais combattre ceux qui ont divisé la salat de la zakat. Ils font salat, ils font pas la zakat. Que la zakat, c'est parmi le droit des biens qui doit être donné en islam. Et après, Omar, il a suivi. Au début, il était réticent par rapport à ce hadith. Il a dit, à tout quand il a un shahidu an la ilaha illallah, on a Muhammad Rasulullah. Ça prouve bien que ça suffit pas, certainement. Les shahadatens ne suffisent pas. Après, d'autres choses à faire derrière. La salat, la zakat. Et les autres piliers. Il Quoi, dans le hadith, il ne parle pas du hajj et du saum. Cheikh Al-Islam, par rapport à ça, il avait expliqué qu'en fait, la salat, c'est une chose qui est apparente. Tu fais salat. C'est ton jama'a. Ça se voit. D'accord ? Ou la zakat également. Ça se voit, car à leur époque, c'était le amil du hakim qui venait, qui prenait les zakawat. Donc quand il vient, il dit donne la zakat, il dit je donne pas. Ça se voit. Ça se voit. Donc là, il était, il y avait comme on dit, avertissement. Après, s'il donne pas, il était combattu. Mais des fois, des oumas entières. Alors que le siyam, mayazhar. Ça se voit pas que je suis siyam. C'est entre toi et ton seigneur. C'est pas une chose qui est faite en communauté, qui est faite apparemment sous le droit du gouverneur ou qui se fait en groupe. Ça se voit pas, le siyam. Et le hajj kazalik, c'est une fois dans ta vie, et c'est pour que tu ne le fasses jamais. Que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, tu n'as pas eu les moyens. Comment on va te combattre pour ça? C'est pour ça que la salat, c'est une chose qui se fait tous les jours, 5 fois par jour, et c'est apparent. Et la zakat, également, quand c'est le gouverneur qui vient d'apprendre, c'est apparent. Et il sait qui a quoi. Siyam, là. Ou le hajj, là. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans le hadith. Non. Tu ne peux pas les combattre pour ça. Thumma qal, fa'in fa'lu dhalika, asamum minni dima'ahum. Wa amwalahum. Illa fi haq al-islam, hisabuhum Allah ta'ala. Jamais ils font cela, ils sont préservés de moi dans leur vie, et dans leur bien, d'accord, et hormis dans les droits de l'islam. Ce qui prouve que cela te rend ma'soum ad-dam. Le musulman, sa vie, elle est sacrée. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum. Que vos vies, vos biens, et votre honneur, sont sacrés, c'est-à-dire interdits les uns sur les autres. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كل مسلم من المسلم حرام دامه وماله وعرضه. Tout musulman est sacré, c'est-à-dire interdit pour tout musulman. Sa vie, ses biens, son honneur. ثم قال إلا بحق الإسلام. Il y a des choses qui font que des fois le musulman peut être exposé à se faire tuer ou à se faire prendre ses biens. Là, c'est des choses qui sont des conditions précises. D'accord, que j'avais dans la charia. On ne va pas en parler, mais pour dire que ce n'est pas dans l'absolu. D'accord, ce n'est pas dans l'absolu. Des fois, le muslim, celui qui fait la shahada, peut être amené à être exécuté, comme on a dit par exemple. Ceux qui voient que celui qui ne fait pas salat, ce n'est pas un kafir, ils sont d'accord que lui, il exécute les masalams. Par exemple, celui qui fait zina, comme ça va venir dans le hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui fait zina et qui a déjà été marié, lapidé. Il y a des situations précises où cela n'entre pas dans le jugement général de ce hadith. C'est-à-dire que ces gens-là, dans le sens qu'ils prennent l'apparent. Comme on a dit au début, c'est un monafir qui fait ça pour se préserver ou quoi? Servir Allah. Pourquoi? Car même celui qui dit ça, c'est un monafir, eh bien toi, tu n'as pas le droit de le toucher. Comme a dit le hadith Usama ibn Zayd, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa adrakna al-qawm, qu'ils ont été envoyés pour combattre. Et ils ont rattrapé les mouchtikoun. Wa hazamnahum, et ils les ont vaincus. ثم قال أن أحد المشركين هرب فالحقناه أنا ورجل من الأنصار الذي كان parmi eux sauvé et que moi et parmi les un des gens des Ansar on l'a rattrapé. حينما أدركناه قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Quand ils l'ont attrapé, il a fait la shahada tout de suite. Il a dit كفى عنه الأنصاري. الأنصاري لا rien fait, l'a laissé. Il a dit أما أنا فطعنته في ربحي حتى قتلته. Il dit, moi, j'ai pris ma lance et je l'ai planté avec jusqu'à ce que je l'ai tué. C'est-à-dire, j'ai pas accepté. Après, ils sont rentrés à Médina. Balara zalika al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était au courant. Il a dit, Ya Usama, aqatalta wa ba'd ma qala la ilaha illallah. Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Usama, il a dit ça. Qala hada ta'awuzan, parce qu'il avait peur qu'on tue. Thumma al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yamzilu kariruhu, hatta qala. Il a dit tellement ça, je me sens tellement mal que j'aurais voulu me mettre soumis à Allah que ce jour-là, pas avant. Tout ce qu'il fait avant, j'aurais voulu être musulman aujourd'hui seulement. Il a regretté ce qu'il a fait. Il a mis salam zajarahu. Comment tu le tues alors qu'il a dit la ilaha illallah? Tu ne le tues pas. Après, il s'est aboué à Allah. S'il est sincère, ça vient à Allah, ça ne vient pas à toi. Et celui qui n'est pas sincère, il gharib, yadhar. Ça va apparaître. Ça va apparaître. Comme on a dit dans le hadith, fil jasad mudra, il est salahat, salahat jasad kullo. Vous êtes fasalat, fasalat jasad kullo. Si le cœur il est bon, ça va se voir. S'il est mauvais, ça va se voir. Ça va se voir. Et les munafiqoun, tu en as l'ornifère qui est zahir, wadih. Tu en as d'autres, akhfa, tu vois. Mais il y a toujours des coranes qui prouvent que celui-là, il est bizarre. Tu vois. Tu vas dire celui-là, à choukfi. Je doute de lui. هذا هو الحديث الثامن خلاصة الحديث الثامن طيب ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث التاسع نبي حديث يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم والحديث متفق عليه selon Abu Huraira et l'avis le plus authentique chez les ulama c'est qu'il s'appellerait Abdurrahman ibn Sahar il lui a khilaf sur son nom et l'avis qui a parlé le plus fort c'est qu'il s'appelle Abdurrahman Cheikh Mokbil lui voit qu'il s'appelle Abu Huraira Abu Huraira c'est comme ça qu'il s'appelle Et d'autres akwal. Plus d'une trentaine de calls. Celui-là, c'est celui qui parlait comme étant le plus fort, Allah Alam. Qu'il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Ce que je vous ai ordonné, faites-le comme vous pouvez. Et n'ont péri ceux d'avant vous que pour leurs nombreuses questions et pour leurs divergences avec leurs prophètes. Leurs divergences avec leurs prophètes. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Donc dans le hadith, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nama nahaytukum anhu fashtanibuh. Que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Hadha yusamma bin nahi. L'interdiction. D'accord, l'interdiction. Fi l'islam, indana arkam. Taklifiyah, khamsa. Cinq règles, ou cinq jugements après le taklif, c'est-à-dire le taklif, les charges religieuses sur le abd. Maintenant, t'as khouzna hadaf, il faut le faire. Là, on essaie de faire un bab al-fayda. Awolen, dans les actes, ce qui est wajib. Obligatoire. D'accord, wajib. Wa huwa ma amarahu al-shar, ala wajil ilzam. Ce que la législation a imposé, obligatoirement de faire. D'ailleurs, il est dit que celui qui le fait, imtithalan, qui fait un wajib, imtithalan, c'est-à-dire avec la niya d'obéir, il est récompensé. Et s'il délaisse l'obligation, yastahik al-azab. Il mérite d'être châtié. Il mérite le châtiment. Ça, c'est le wajib. Thumma yati tahtahu al-makruh. Ce qu'on appelle détestable. Yani manahanhu ishar, lakin al-ghayl bi-ghayl izam. Ce que la législation a interdit, sans pour autant imposer cette interdiction. Ce qu'on appelle détestable. Celui qui le fait n'a pas de péché. Celui qui le délaisse, c'est makrouh. Un petit salan par obéissance, il est récompensé. Le wasat, il y en a, ce qui est permis. Le permis, lui, il se place en fonction de ce qui vient derrière. Si ce moubah amène un haram, il sera haram. Si il amène un makrouh, il sera makrouh. Si il amène, ça dépend de ta niya. Ça dépend d'aboutissement. Mais à la base, c'est qu'il est moubah. Permis. Ensuite, tu as le mustahab, mandoub. Ou ama amarahu, al-shar, quand même, à la bireil ilzam. Ce que la législation a ordonné sans pour autant l'imposer. Ce qu'on appelle mustahab. Alazi fa'alahu imtithalan yu'jar. Ou alazi lam yaf'alahu. Celui qui fait ce mustahab avec une niya d'obéir, il est récompensé. Celui qui ne le fait pas, ce mustahab, il n'y a rien sur lui. Khamis, wujub. Comment c'est par wujub, l'obligation? Hein? Quand c'est par le nahi? Aïe, pour wajib. Ah, donc, kharab le tartib. Afwan. suis pas rendu compte. Donc voilà, donc on va dire c'est le nahi. À la base, ça aurait dû être obligatoire, recommandé, permis, détestable, interdit. J'ai mélangé l'ordre. Hein. Donc on finit par le nahi. Nahi, wama naha hanu ashar à la wajal lizam. Ce que la législation a interdit, et cette addiction, elle est imposée. C'est interdit. Amen. Waman, yani, taraka hada al-fi'l, imtithalan, ma'ajour. Waman, irtakabahu, yastahik al-iqab. Celui qui a délaissé cet acte qui est interdit par obéissance, d'accord, lui, il est récompensé. Celui qui l'a enfreint mérite châtiment. Dans le hadith, il cite les deux extrêmes de ces ahkam, l'obligation et l'interdiction. Car l'islam, intashhad Allah, ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, et on l'a dit, le fait attester que le messager, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ça inclut plusieurs choses, parmi elles, de lui obéir. Est-ce qu'il ordonne de le faire? Est-ce qu'il interdit de le délaisser? Est-ce qu'il informe de le croire? D'adorer Allah Azza wa Jal parce qu'il a rendu légiféré. Bien sûr, de l'aimer à casa et casa, ça va avec. Donc, il dit bien Manahaitukumano, fashtanibu. Ce que je vous ai interdit, naam, éloignez-vous-en. Donc, il n'a pas dit la tafalo, il n'a pas dit ne le faites pas, il a dit éloignez-vous-en. C'est-à-dire, tajal bourdan beynak ou beynan nahi. Tu t'éloignes de la chose. Qui fait que le Azza wa Jal, voilà takrabuz dina. Ma qala la taznou. Qala wala takrabu zina. Vous approchez pas de la fornication. Ça veut dire, tout ce qui t'y emmène, tu t'en éloignes. Toutes les causes qui amènent à cela, tu t'en éloignes. D'où l'interdiction de la mixité. Ertilat. Ou le khalwa. Qu'il y ait un homme et une femme qui soient seuls. Aimt. Pas d'autres mu'amalat. Car celle-ci amène à quoi? À cet interdit-là. Elles sont des wasa'il qui amènent à une chose qui est interdite en elle-même. Donc toi tu mets un bourd, il servait au hadith qu'on a pris, le hadith d'Ibn Mas'ud, fi zaka ra'i yara hawla hima yushiku en yarta'a fi. Celui qui fait perdre son troupeau près d'un champ qui lui est interdit et qui est sur le point justement de rentrer dans son domaine interdit. Qu'est-ce qu'il doit faire lui? S'éloigner. Être à la limite de la barrière ne suffit pas. Un mouton peut passer, deux moutons peuvent passer, et ainsi de suite. Comme on l'a expliqué, tu es responsable. Et bien là, c'est pareil. Il y a une chose qui est haram, éloigne-toi de ce haram, et des choses qui mènent à ce haram. Même si elles sont permises. On a dit tout à l'heure, le permis, tu peux prendre le jument de la chose vers laquelle il mène. La chose, elle est mubaha, mais elle t'emmène à un haram. À ce moment-là, elle prend le jument du haram. On prend ce jawel qu'on a, par exemple, ce téléphone portable qu'on a là, quelqu'un le prend, à la base, c'est un portable. T'appelles avec, c'est mubah, c'est permis. Et il prend et commence à filmer des gens avec. Ou il va sur internet et voir des choses qui sont interdites. On va lui dire, bah toi, ce portable-là, ce moment-là, il est haram. À la base, il est permis. Et tu arrives à un but qui est interdit avec. Donc ce moyen devient interdit pour toi. Et le contraire, il est loin de sa famille. Il faut qu'il garde les parenté, ma salane. Tu vois? Il dit, ouais, j'ai plus de nouvelles de mes parents depuis longtemps, il demande après moi, et quand il dit, bah, prends un portable, il dit, il a les moyens et tout. Et à ce moment-là, il a dit, bah, allez, t'as qu'à dire, ouais, là, c'est pas un moyen de communication avec tes parents. C'est obligatoire pour toi. Si t'as les moyens, c'est là qu'il se plaît de parler de tes nouvelles, tu prends le juge, le jugement du corps à terre. Celui qui a coupé l'aine parenté. À ce moment-là, tu dois prendre ce téléphone-là et contacter tes parents avec. En évitant les choses interdites avec le téléphone. Hein? Si tu dis on n'a pas d'argent, nous, ma salade, on ne peut pas t'appeler avec un téléphone normal, on veut que tu utilises WhatsApp. Donc, WhatsApp ou ce qui ressemble. Tu as pas les moyens aussi de prendre à chaque fois des cartes de crédit, des cartes de RSID pour les appeler. À ce moment-là, tu prends ça. C'est un moyen qui est là, qui est permis, qui te fait rentrer dans le. Qui est un sabab, qui te permet de. Un tamab il wajib. Un coma, five. Donc si tu amènes un haram, t'ashtanib. Tu l'évites. Et après c'est nisbi. Ça peut être pour une personne plus forte que pour une autre. Ça peut être pour une personne plus forte que pour une autre. Tu as des gens, par exemple, ils sont attirés par les petits garçons. C'est une réalité. Est-ce qu'on veut le dire lui, Mathalène ? Khas, prends une halakat de Coran avec des enfants, tu leur fais le terpène des petits. On va dire lui, non. On dit, un tel, naam, il peut le faire. Peut-être même c'est wajib, il n'y a que lui qui peut le faire, il faut qu'il le fasse. Amen, lui, même s'il est hafiz mutqin, il a toutes les kiraat, on dit toi, haram alek. Tu prends des enfants avec toi. Abadan. Parce que quoi ? T'as un penchant pour eux, ils se préparent pas, tu tombes dans, tout ce qu'il soit, même muharrama. Donc toi, c'est interdit pour toi. Amen, un tel, fawa, ouais, il y a fallu. Même s'il est moins savant que toi, moins kaza kaza, lui il l'a fait, pas toi. Après c'est une charse, c'est la charse. Des gens par exemple qui étaient anciennement des alcooliques, salam, pourra-t-il boire ? Wallahi ta'ala. Et d'autres qui n'ont jamais été alcooliques. Enfin, celui qui est alcoolique, on sera plus strict avec lui, qui ne s'approche pas des lieux d'alcool que l'autre. L'autre, il ne connaît pas, ça lui fait rien. Alors que l'autre, il était accro à ça apparemment. Donc lui, c'est plus sensible pour lui. On dit, attention, toi. Il y a un bar sur le chemin. Prends l'autre chemin. Hein? Tes anciens ashab, ils sont là. Évite-les. Puisqu'il y en a un autre qui connaît pas. Ma salade. Donc la cool, je t'en ai bon. On dit pas, ne bois pas d'alcool. Évite tout ce qui t'emmène vers cet alcool. Tout. Ce maqal. Ce que je vous ai rendu obligatoire, faites comme vous le pouvez. On a déjà parlé du wajib. Ma wal wajib. Le wajib, chauffe le fork entre l'obligation et l'interdiction. Il a dit le wajib, faites comme vous le pouvez. D'accord ? C'est pour que des fois, l'obligation. Quand il n'agit fiha mashaqqa. Fa huna tatil qa'ida anna al mashaqqa tajid bi taysir. Des fois, faire une obligation, on peut avoir une difficulté. Certaines choses, elles sont dures à faire. Il a dit, faites comme tu peux. C'est-à-dire, fais-le. Si jamais tu as des empêchements réels, quand même, shal'an qui sont maqboul, fais comme tu peux. Donc là, est-ce qu'il a dit pour le nahi ? Là. Pourquoi ? Car de laisser, c'est facile. Arrête de faire ça, d'accord, j'arrête. Il n'y a pas de machac, quoi. À part dans des cas extrêmes. Tu vois ? Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un, il va. Comme les ulama disent souvent, quelqu'un qui est affamé, il va mourir. Il n'y a que du porc devant lui pour manger, sinon il va mourir. À ce moment-là, on va dire, tu vas le manger, mais quand dans le hajj, ce qui te suffira de ne pas mourir. Ça, c'est des cas extrêmes, tu vois. On verra peut-être jamais ça. Alors, un exemple qu'il donne, les ulama, avec le meïta catholique, la chair morte. Alors que faire, ça te demande une avancée, un acte, que des fois tu ne peux pas faire. La salade, tu es malade. Fais la salat. Là-bas, salat al-jama'a ou adjiba. Fais le marid, il y a juste une salat fibaïti. Il a fait comme il pouvait. La salat, il peut la faire, mais il ne peut pas aller en jama'a. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait chez lui. Kazalik. Il ne peut pas être debout parce qu'il est malade, il est faible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait assise. Il peut faire la salat. Il ne peut pas la faire debout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit. Ah, la règle qu'on a dit. Machakot ajib teisir. La difficulté amène à la facilité. Mais la difficulté reconnue en religion, qui amène à la facilité, admise en religion. Pas comme nous on la voit. Comme on dit l'exemple, c'est pas quelqu'un, il a un travail. On lui dit, toi, si t'as une barre, t'as pas de travail. Il se rase. Il dit, ah, il règle la règle. On dit, non, c'est pas seulement la règle. Tu travailles, pour toi, il est haram. Tu fais un autre travail. Ah, maintenant, on parle de la salat. La salat, c'est obligatoire. À ce moment-là. Et le Nabi sallam, soliqa imen, fais le tassatir, d'accord, idem. Prie debout, fais la salade debout. Tu ne peux pas la faire debout, alors assis. Tu ne peux pas, alors sur le côté. Et ainsi de suite. C'est le Nabi sallam lui-même qui l'a dit. Comme en safar, en voyage, sallam, tu peux joindre ton salawat, tu les raccourcis. Celui qui est sa'im, qui est malade, il peut rompre son jeûne, sallam. Il y a une vraie machaka, murtabara shal'an, yuftir. Ça, c'est pris en compte. C'est pas comme nous, on veut. D'accord ? Il faut comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il dit bien. Faites comme vous le pouvez. À la base, c'est que tu le fais. Après, tu as un empêchement réel. Maqboul shal'an. Tu fais, on va dire, ce qui est moindre. Tout en faisant la chose. Et ainsi de suite. Jusqu'à la limite. C'est pour ça, là, wujubu, il est bil kudra. Il n'y a pas d'obligation à part avec la capacité de faire la chose. Si tu ne peux pas la faire la chose, son obligation, elle s'amendrit pour toi. L'obligation, elle s'amendrit pour toi. Wa kaza. Comme encore le ta'ala, wa taqwa Allaha ma sata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Hada ma hada. Ça va ensemble. Comme tu le peux. Donc vous voyez bien la différence, il prouve que le nahi est plus fort que le wajib. Les ulama disent. Le nahi, il est plus fort, plus strict que le wajib. De laisser une chose interdite est plus sévère que le fait de faire une obligation. Par rapport à ce hadith, ça se base. Soumakal. Fa'innama ahlak alladhina min qablikum kathrat masa'ilihim. Que ceux d'avant vous n'ont péri que par leurs nombreuses questions. Le fait qu'ils posaient trop de questions. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tas'alu ashya'in tubdalakum ta'sukum. In tabdalakum ta'sukum. Pour vous qui avez cru, ne posez pas des questions dont les réponses pourraient vous déplaire. Et dans un hadith, ça va venir. Dans un hadith, ça va être cité que Allah sakata an ashya Réalisienne ou Rahmatan Lana. Car Allah s'étudie sur certaines choses, pas par oubli, mais par miséricorde pour nous. Donc on n'a pas à les chercher. Et t'as des gens qui posent beaucoup de questions. وكذلك مثلا ضرب الله مثلا بذلك مع اليهود مع موسى في القرآن مع البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Que Allah vous ordonne d'égorger une vache. Vous demandez quelle vache? Quelle couleur? Kaza et kaza et kaza. Au début, juste Inna Allah yamurukum bitazbih bakara. Bakara, c'est tout. Il n'y a pas eu de précision. Vous aurez pris, comme les ulama disent, que la première vache venue le régorger, c'était réglé. Donc, shaddadu ashuddida ali. Ils ont posé plein de questions, donc cela a été rendu compliqué par la suite. C'est ça là. Ils ont fait une vache tout de suite, c'était réglé. Mais eux, leur but, c'était quoi? Ta'annut. Ils voulaient juste le jadal. Et essayer d'éviter la chose. Hein? Et t'as des gens, des fois, ils font ça, des fois, avec le ulama. Pose une question à Alim. Ya Sheikh, ma hukma hada. Sheikh, cool, mais salam. Ma yajouz. Lakin ya Sheikh, kada kada. Ma yajouz. Lakin ya Sheikh, il continue, il enchaîne question sur question. Au début, il a eu sa réponse. D'accord? Mais il cherche un makhraj, il cherche quelque chose. Tu vois? Il cherche quelque chose. Donc, il enchaîne les questions. Au début, t'as une question, elle était wadiha, elle était claire. T'as une réponse qui était wadiha. Maintenant, si tu as une question avec un détail, depuis le début, pose. Yachir, hal kaza, tu détailles ta situation, avec des éléments importants, après tu prends la réponse. Mais tu veux qu'une question comme ça, après on donne une réponse comme ça, après tu rajoutes le détail, on dit non, c'est quoi que tu veux maintenant? Ou tu dis depuis le début, car tu veux une réponse claire, pour que tu puisses appliquer, ou alors tu veux une question, et la réponse elle ne te plaît pas, donc tu cherches un makhraj. Pour arriver à une autorisation, comme on dit. Et beaucoup, ils font ça. Beaucoup, ils font ça. Surtout dans le masala de divorce. Il a fait divorcer trois fois, après, il cherche de façon de... Tu vois, on dit, il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. C'est la femme, maintenant, t'as fait le talak trois fois. Il dit, ouais, mais j'étais en colère. Ouais, mais la colère... En général, l'homme, il divorce, il est en colère. Il divorce pas en rigolant. Maintenant, c'est quoi comme colère? C'est ce que tu disais, naam, khalas. C'est maintenant, c'est une colère où t'es vraiment fou, tu sais ce qui se passe. Peut-être même c'est une colère, tu pourrais jeter une mosra. À la base, c'est du pouf. Mais tu es tellement en colère, dans la colère, quelqu'un te dit, taqillah, et tu réponds de façon, tu vois, tu sais même ce que tu dis. Là, tu rentres dans le hukm du hadith, de Anas, de cet homme, tellement il était heureux, il a dit, Allahumma anta abdi wa rabbuk. Il est tellement content qu'il a dit, Allah, tu es mon serviteur, je suis ton seigneur. Il était excusé pourquoi, il savait plus ce qu'il disait, tellement il était content. Mais toi, c'est pareil, à ce moment-là. Maintenant, c'est une colère, juste une colère de rage. Mais tu es conscient de ce que tu fais, et talak il hasad. Les ulama disent, même en rigolant, tu rigoles avec ta femme par exemple, tu dis, allez, un petit peu à lire. Dis, je rigole, Yachir. C'est considéré comme un tantalak. Même tu rigoles, tu l'as prononcé clairement en bigoudour, mais ils disent, la niya, elle n'est pas contente à ce moment-là. Quand tu le dis clairement, dis, ouais, Yachir, je plaisantais. Là, on va te dire ça. Là. Tu l'as dit clairement, tu l'as prononcé clairement de ta bouche, sans avoir été contraint. Talak le has. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc des gens, souvent, ça leur arrive. Beaucoup dans ce cas-là. talak trois fois là, après il regrette. C'est précipité, après il ne sait plus quoi faire. Et c'est que sa femme c'est fini, tant qu'elle ne se marie pas avec un autre homme. Tu vois. Donc là il regrette, il réfléchit. Et t'en as, à Ouzoubillah, des histoires qu'on m'a racontées, ils ont, malgré qu'ils savent que c'est. Voilà, ils ont trouvé une. Ils ont cru penser trouver un makhraj. Est-ce que leur makhraj, c'est un makhraj vers le haram qu'ils ont trouvé. C'est que leur femme, à la base, elle est. Talaka, ba'ina, trois fois. Ça ou ce qu'on fait un ordre, un vœu, après une machakof d'accomplir le vœu, Yasha Maharaj pose des questions, oui mais Naméchir. Les questions tu les poses, Bikod al-Haja. Bikod al-Haja. Kana ma'louman en les Sahaba, radiallahu anhum, annahum lam yakunu yas'aluna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa 'ind al-Haja. Sahaba n'interrogeaient que parce qu'il y avait un besoin, sur une obligation. Sur un problème, sur un tafsir, c'est pour ça qu'ils aimaient lorsqu'il y avait un étranger qui venait, ils profitaient parce qu'ils posaient plein de questions. Ils aimaient ça. Parce que des fois, ils ne voulaient pas poser des questions trop au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un venait de l'extérieur, posait plein de questions, ils venaient pour profiter. C'était un peu comme ça à Dammaj. Ils font poser, ils ont envoyé des questions à Shir, tu vois. Shir, on était des milliers. Donc, sur des milliers, ben, je faisais des fois 10 questions. Tu vois. Et dès qu'il y avait un Zahir qui venait, un invité, ils avaient une liste de questions, ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient. Nous, on aimait ça, parce que là, Shir avait fait plein de questions. Voilà. C'était le même Oslo. Les ulama, quand des mondes de douyouf ou le zouar à la réalité, des fois, tout en avec nous, c'est elle. Non, mais lui, il vient qu'une fois, deux fois, après, il repart, nous créer Bouhoum. Donc il répondait aux questions des zouars. Et tu as des gens pareils, ils ont cette fâcheuse manie d'enchaîner les questions. Ça veut dire, ils posent une question et tu sais que tu en auras 10 derrière, du même sujet. Des fois, tu ne veux même pas répondre. Et si tu lui réponds, je sais, ça va être quoi? Il va me dire, Walakin, mais. Nouvelle question. Donc après, t'esquives. T'as des gens, ils comprennent pas. Je veux dire, qui t'a posé une question. Je parle pas quelqu'un qui veut chercher une autorisation ou quoi. Il pose une question, et après, il veut trop de détails. Ça va avoir trop de détails. Des fois, tu fais une question, il est Wajiza. Il y a tout dedans, les éléments à comprendre. Et lui, il te pose la question. Tu dis, la réponse, elle est dans ma réponse. Oui, mais, Kazakaza, je fais, t'as une question là? Ma réponse est dans ma réponse. Ce que tu me demandes là, écoute bien ma réponse au début, c'est dedans. C'est à toi de réfléchir, ne te précipite pas aux questions. T'en as, c'est ça, la question tout de suite. Quand même. Femakala, ou Irtilefihim, ala Anbiyahim, le fait que les peuples d'avant, justement, avec ces multitudes de questions qu'ils posaient, et leur but c'était le Jedel, souvent, comme les Yahoud avec Moussa pour la Bakara, ça a amené à des divergences avec leur Anbiya, ce qui a coûté leur perte. Le Nabi, il est là. Tu l'écoutes et tu l'obéis. Tu ne diverges pas avec lui. Et on ressent ce qu'Allah a dit de dire aux gens. Donc il n'y a pas à discuter avec un nabi ou avec un prophète. Dans le tablir, il est infaillible. Donc il n'y a pas à diverger avec lui. Tu as juste à suivre et obéir. Mais les Bani Israël, ils l'ont fait. Ils ont même été jusqu'à tuer des nabis, comme vous le savez. Tuer des NBA, comploter contre eux et les tuer. Et aujourd'hui, dans la Umma, Bilisan al-Hal, l'arnoua al-Hadha, par rapport à nos actes, ça amène à ce que beaucoup d'entre nous divergent avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup. Toutes ces sectes égarées, les Moutadira, les Asab al-Ahwa, ils divergent avec le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avec la Sunna. Ça revient à ça. Hum yahlakoun. Ils périssent. Quand même, ils périssent. Wa akada. Wa qala Allah azza wa jal. Que prennent garde de ceux qui s'opposent à son ordre, qu'ils soient atteints d'une fitna, c'est-à-dire souvent ça peut être le shirk ou la bida ou autre, qu'ils soient atteints d'un douloureux châtiment. Tu ne diverges pas avec ton prophète. Tu écoutes, tu obéis et tu interroges bil haja. Et enfin, ce amel aujourd'hui, bien que les ulama ne soient pas marsoum, t'agis ça parce que ce sont eux les héritiers des ulama, les héritiers des NBA, je veux dire, tu agis avec eux de la même sorte. Bien qu'ils ne sont pas infaillibles dans les réponses maintenant, ils peuvent se tromper. Tu vois. Mais à la base, tu as une question, tu ne sais pas, tu lui demandes, il te répond, il donne un dalil, t'es convaincu, t'appliques. Et tu évites de diverger avec le ulama de la sunna. Là, tu khalifas. Et à la base, les versets qui sont venus pour le fait d'obéir au gouverneur, c'était interprété également comme étant le gouverneur, comme étant le ulama. Hein? Le ulama également. On doit leur obéir. La kif fil ma'rouf. Fil ma'rouf. Fa'adha l'adhi akhazna l'yom. De là, on a pu prendre les deux hadiths. Fa'akada. Fa'anakta fi biadhi l'kadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.